second style. Second style. Second style. J'apprends chaque jour et enseigne le lendemain. Quantité d'illusions que je perds par poignée de main. Ma peine vit dans l'ombre de mon sourire. Je vois chaque jour comme unique, comme un saphir. Obligé de rentrer dans un rapport de force qui peut tenir le rôle du fruit et de l'écorce. En tant que bon écrivain, un mot j'enterre chaque jour. Qu'est-ce que mon devoir, l'exigence d'une larme sur ma joue. Dans ma journée, il me faut une petite place, voire une case dans laquelle je dois laisser ma trace. Comment se faire remarquer en étant remarquable? Et comment expliquer l'inexplicable? Peur d'être face à la dure réalité. Peur d'être oublié. Peur d'être face à la dure réalité. Peur d'être oublié. Chaque jour me pèse, pèse encore et encore. Chaque mot me blesse, blesse de plus en plus fort. Chaque jour me teste, teste encore et encore. Et chaque rime j'envoie au corps à corps. Chaque jour me pèse, pèse encore et encore. De vue, ça fait mal quand on tombe de haut. Le sentiment d'impuissance définie est le idéo. Pris entre les taux de la vie, c'est pas de sa faute. Il se levait tôt, il n'en a pas envie. Après tout, pourquoi se battre tout ça pour survivre? Alors que c'est si simple de vivre puis de se laisser mourir. Nourri entre peine et incompréhension. T'inquiète, refrais, je mesure ma chance de m'exprimer sur un son. Je sais ce que ça fait d'avoir des doutes sur son avenir. Attends la prochaine rime pour comprendre où je veux en venir. Lorsque ton genou fait un tête-tête avec le sol, là tu prends conscience des points faibles et des faiblesses de l'homme. L'effet d'une bombe peut résulter d'un tout. Tout ça mis bout à bout au final, piégé comme un loup. Si t'écoutes ce son, c'est qu'au final ça a dû se faire. Si t'écoutes ce son, c'est qu'au fond, je sais qu'il te plaît. Chaque jour me pèse, pèse encore et encore. Chaque mot me blesse, blesse de plus en plus fort. Chaque jour me teste, teste encore et encore. Et chaque rime j'envoie au corps à corps. Chaque jour me pèse, pèse encore et encore. Chaque mot me blesse, blesse de plus en plus fort. Chaque jour me teste, teste encore et encore. Et chaque rime j'envoie au corps à corps. S'il te plaît, ne baisse pas les bras, la vie est hard mais incomparable à ceux de l'hémisphère du bas. Et pour mes gars d'en bas, pour qui le bambin calme fait un bon brancard, difficile de descendre plus bas. La vie est une chienne, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être un pitbull? Et la persistance et la résistance d'une bulle. Tout comme elle, tout est éphémère. J'espère que ça ira et que ta vie n'aura pas un effet de merde. La galère ne sera pas, elle se vit. Elle nous rattrape et puis elle nous vide. Elle nous fait tomber à terre, la défaite a toujours ce petit goût amer. T'inquiète, toi et moi, on sait ce qu'on vaut. Moi j'enchaîne la vie avec des punchlines et toi au combo et au Congo. Je serai ce rebelle, toi-même tu sais quel est mon vécu depuis la sixième. Chaque jour me pèse, pèse encore et encore. Chaque mot me blesse, blesse de plus en plus fort. Chaque jour me teste, teste encore et encore. Et chaque rime j'envoie au corps à corps. Chaque jour me pèse, pèse encore et encore. D'un saphir, second style, L-I-T-O, H-K-M, Sissi, perdu de vue. À chaque jour suffit sa peine, à chaque pas défendu.